Chapitre 312. La réprobation de s'asseoir en ramenant ses jambes contre son ventre à l'aide d'un vêtement ou de ses bras au cours du prêche du vendredi pour éviter de somnoler et donc de perdre son attention ou ses ablutions. 1705. D'après Mu'adh ibn Anas al-Juhani, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de s'asseoir en ramenant ses jambes contre son ventre à l'aide d'un vêtement que l'on serre autour du dos et des jambes ou à l'aide des bras au cours du prêche du vendredi. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ».